الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد Continue l'étude du livre Kitab al-Tawhid الذي هو حق الله على العبيد العلامة المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى ولقد انتهينا من باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Donc, nous avons fini le chapitre de l'invitation à la shahada, qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah. Le chapitre suivant, Bab Tafsir al-Tawhid wa Shahadati an la ilaha illallah. Le chapitre numéro 5, l'explication du Tawhid et du témoignage qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Al-Tafsir والكشف والإيضاح. Donc le tafsir, c'est l'explication et l'éclaircissement. التوحيد فسرناه بأنه إفراد الله بما يختص به. Quant au mot التوحيد, nous l'avons déjà expliqué. Il n'y a pas de mal à répéter cela. Donc l'unicité d'Allah, c'est le fait de l'unifier dans ce qui lui revient de droit. Al-Uluhiyya, la divinité. Al-Rububiyya, la seigneurie. Al-Asma wa-Sifat, les noms et les attributs. Wal-Murad huna bit-Tawhid هو توحيد الألوهية المتضمن بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. Et ce qui est voulu dans ce chapitre par le tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans la divinité, qui comprend les deux autres formes de tawhid. Donc le tawhid dans la seigneurie, le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. والشهادة أن لا إله إلا الله عطفت على التوحيد مع أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله فهذا من باب عطف المترادفين فمعنى التوحيد لا إله إلا الله. Ici l'auteur nous dit l'explication du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. Alors que la ilaha illallah, c'est le tawhid, et que le tawhid est la ilaha illallah. Ici, il nous enseigne que le sens de la ilaha illallah, c'est le tawhid. Et que pour étudier le tawhid, il faut étudier la ilaha illallah. C'est la parole du tawhid par excellence. هذه الكلمة لا إله إلا الله دلت على توحيد الألوهية بدلالة المطابقة وعلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات بدلالة الالتزام. أو اللزوم. تكلمنا عن معنى التوحيد وتفسير كلمة لا إله إلا الله في بداية الكتاب، وهنا الشيخ أفرد بابا في ذلك، لأن المقام عظيم فكرره تأكيدا، ولأن الموضوع يحتاج إلى التكرار لأهميته وعظمته، فلا بد من التفصيل والتفسير. Nous avions déjà parlé de ce sujet dans l'introduction du livre, au début du livre. Pourtant ici l'auteur répète l'explication du tawhid. Cela, chers frères, car ce sujet a la plus grande importance. Il convient donc de le répéter. Deuxièmement, pour l'expliciter, l'éclaircir et le développer davantage. أما الشهادة تجمع أمورا الاعتقاد العلم النطق والإخبار le témoignage c'est une conviction que tu as qui est basée sur une science que tu vas prononcer sur ta langue puis en informer autrui puis en informer autre. قال ابن فارس رحمه الله تعالى إخبار عن علم. Le linguiste Ibn Faris رحمه الله a dit, pour expliquer le terme témoignage, الشهادة, c'est le fait d'informer d'une chose avec science. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce chapitre dans son livre sur l'unicité ? Ce livre a été écrit pour exposer aux gens l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, montrer aux gens les bienfaits, les mérites du tawhid et encourager les gens dans son étude. Et ce chapitre est là pour développer et expliquer en détail التوحيد. Aussi لأن بعض الناس لم يفهموا كلمة التوحيد. Aussi car certaines personnes ont une compréhension erronée de la ilaha illallah, de son sens et de ce à quoi elle invite les gens. Alors l'auteur a mis ce chapitre dans son livre. أما مناسبة الباب لما قبله. En ce qui concerne le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés. بعد أن ذكر التوحيد وفضله والخوف من الوقوع في ضده وذكر وأن ذكر الدعوة إلى التوحيد. هنا الشيخ ينبه على أن بعض الناس لم يفهموا التوحيد الذي أرسل به الرسل. L'auteur, après avoir expliqué التوحيد ou bien parlé du التوحيد, montré son obligation, ses mérites, la peur de tomber dans son contraire qui est le polythéisme, l'invitation des gens à cette parole et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il attire notre attention avec ce chapitre car certaines personnes n'ont pas compris le tawhid avec lequel ont été envoyés l'ensemble des messagers et des prophètes. البعض قصر التوحيد على توحيد الربوبية. Beaucoup de personnes pensent que la ilaha illallah et que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala se résume au fait d'unifier Allah dans ses actions envers ses créatures. Et sans aucun doute, unifier Allah dans ses actions envers ses créatures comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort, ceci est du tawhid. Mais cela n'est pas suffisant pour faire de toi un musulman et te préserver du feu de l'enfer. Car Kuffar Quraysh avait ce tawhid malgré certains manquements. Aïwan, بعض أن ذكر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله جاء بتفسير التوحيد في هذا الباب وما بعده، لأن دعوة التوحيد التي تنفع الناس والداعي هي الدعوة التفصيلية لا الإجمالية. Il y a une grande subtilité quant au fait de mettre ce chapitre après le chapitre de l'invitation des gens à la ilaha illallah, qui est d'attirer l'attention des musulmans quant au fait que le prêche utile et profitable, celui qui est en conformité avec le prêche des prophètes et des messagers alayhim salat wa salam, est le prêche détaillé du tawhid, et non pas parler de tawhid de manière générale ou de manière occasionnelle. Non, ce prêche doit être détaillé, développé. Il doit être compris de tous, et pour ce fait, il faut le détailler. Donc le prêcheur, le prédicateur, doit éclaircir le tawhid autant que possible aux musulmans et à l'ensemble des gens. La ilaha illallah, كما عرفنا هي أفضل الكلمات على الإطلاق أحبها إلى الله سبحانه وتعالى هي كلمة التقوى وهي كلمة الإخلاص وهي العروة الوثقى وهي مفتاح الجنة. فإذا كان الأمر كذلك فحق لنا أن نتفقه فيها وأن نعمل بها وأن ندعو الناس إليها دعوة تفصيلية. La ilaha illallah est la meilleure parole. La meilleure parole qui est prononcée à un prophète. La ilaha illallah est la parole du monothéisme pur. L'anse la plus solide. La parole de la piété. La clé du paradis. Li ajliha khalaqallahu al-khalq. Li ajliha khalaqallahu al-samawati wal-ard. Pour cette parole, Allah nous a créés. Pour cette parole, Allah a créé les cieux et la terre et l'ensemble des créatures. Pour cette parole, on a créé le paradis et l'enfer. Pour cette parole, nous serons ressuscités, jugés. Donc c'est la parole la plus importante. فَفَهْمُهَا أَهَمُّ الْأُمُورِ. Donc la compréhension de cette parole est la chose la plus importante. فَالنَّجَاتُ مُعَلَّقَةً أَوْ مُعَلَّقٌ بِهَذِي الْكَلِمَةِ. Le secours de la personne, la réussite de la personne dans ce bas monde et l'au-delà est rattachée, ou bien sont rattachés à cette parole. وَهِيَ أَرْبَعُ كَلِمَاتِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لَا نَافِيَةٌ لِلْجِنْسِ وَيَتَعْمَلُ بِعَمَلِ إِنَّا فِي الْإِعْرَابِ. تَنْفِي جنس الألوهية الحق عن كل ما سوى الله. Donc là, c'est la négation. Ce mot vient réfuter le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah. Donc ce mot signifie divinité. Al-ilah wal-ma'bud. Al-ilah, c'est ce qui est adoré. إله اسم لا مبني على الفتح وفعال هنا بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب وفراش بمعنى مفروش وهكذا من أله يأله بمعنى عبد يعبد فالإله إذن هو المعبود. Donc الإله c'est ce qui est adoré. Tout ce qui est adoré se nomme Ilah, divinité. قال الله سبحانه وتعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك. قرأ أو هذه قراءة ابن عباس رضي الله عنه. قال فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد. إذن معنى الآية ويذرك وعبادتك. هذا فهم ابن عباس. للإله. وقال رؤبة لله الدار الغانيات المدهن سبحنا واسترجعنا واسترجعنا عن تألهي أي عن عبادتي. إذن الذي يحفظ أن الإله هو المعبود. وهنا لم نجمع الإله، لم نقول لا آلهة بل لا إله، وهذا أبلغ حتى لا يقال نعم ما في آلهة، لكن ممكن أو ربما إله أو إلها وهكذا، فهي تنفي جميع الآلهة. Et le mot إله a été cité ici au singulier et non au pluriel, afin qu'on ne puisse pas dire il n'y a pas de plusieurs divinités méritant l'adoration en dehors d'Allah, mais peut-être une ou deux. On a cité cela au singulier afin que ça exclue l'ensemble des fausses divinités. Wa ayna khabaru la, ayna khabaru la. Al-Arab يقدرون الخبر إذا كان معلوما أو فهم من سياق الكلام، وهذا يحصل كثير كثير جدا أو كثيرا جدا لا سيما في الحجاز، حتى إن بعض القبائل أوجبوا ذلك أو توجب ذلك كبني تميم. ولهذا أمثلة من القرآن ومن السنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، ويقول لا عدوى وهلما. وابن مالك رحمه الله تعالى يقول وشاع في ذي الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذن ما هو الخبر الذي قدر هنا؟ هو حق، حق بدليل الكتاب والسنة وكلام العرب. قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، في سورة الحج وفي سورة لقمان الباطل. Allah nous dit ceci, car Allah est la vérité, ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Donc l'information qui est sous-entendue dans la parole du Tawhid, la ilaha illallah, est haqqun. Tu peux dire également bihaqqin. Certains passages, je ne les traduis pas, les arabophones comprendront. وَقَدْ أَخْطَأَ خَطَأً عَظِيمًا الْمُتَكَلِّمُونَ حَيْثُ قَالُوا موجود، قالوا لا معبود موجود إلا الله، وهذا غلط عظيم. ويلزمهم هذا أمران: نفي حقيقة واقعية وهي أن ثم آلهة في الواقع عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وفي القرآن أئفكا آلهة دون الله تريدون. Donc certaines personnes expliquent la ilaha illallah en disant il n'y a pas de divinité qui existe en dehors d'Allah, et ceci est une explication erronée. Il faut dire il n'y a pas de divinité digne d'être adorée excepté Allah, digne d'être adorée. Voici l'information sous-entendue dans la ilaha illallah. On ne traduit pas la ilaha illallah en disant il n'y a de Dieu que Dieu, mais on dit il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah et tout ce qui donnerait ce sens. Quant à ceux qui ont dit que l'explication de la ilaha illallah était il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu, ceci est une explication erronée, car la divinité est celui qui adore. Et on voit au quotidien des gens adorés qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ça reviendrait à dire que tout ce qu'il y a de l'endroit d'Allah, c'est Allah. Et ceci est une croyance qui comporte la plus grande mécréance, qu'on appelle Wahdatul Wujud. Et on ne dit pas que toute personne ayant expliqué la ilaha illallah ainsi est tombée dans ce. Mais voici ce qui découle de cette parole. Leurs paroles les plus répandues sont nombre de trois. Certains ont expliqué la ilaha illallah en disant la qadira ala l'ikhtira illallah wa akharun المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه ما عداه. Et certains ont dit la khaliqa illallah. Donc parmi ces gens de l'égarement, certains ont expliqué la illallah en disant ça veut dire il n'y a point de créateur excepté Allah. Certains ont dit que ça veut dire qu'Allah n'a besoin de personne et tout le monde a besoin de lui. Et ils ont dit d'autres paroles semblables. Et la parole de vérité qui est affirmée par le Coran, par la Sunna, c'est La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a point de divinité méritant l'adoration excepté Allah. Donc, il y a plusieurs divinités. Car la définition du mot divinité est Kullu ma'ubid. Tout ce qui est adoré, on appelle cela divinité. Donc, il y a beaucoup de divinités. Mais, les divinités sont de deux sortes. Ceux qui méritent d'être adorés et ceux qui ne méritent pas d'être adorés. Il n'y a qu'une seule divinité méritant l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ أَنَّ مَا دُعُونَ مِنْ دُونِ الْبَاطِلِ أَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرِ إِلَّا اللَّهُ. Donc cette parole se compose de deux parties. La ilaha, c'est la partie négative, النَّفِي. Illallah, c'est la partie affirmative, al-ithbat. La ilaha tanfi istihqaq al-uluhiyya an kulli ma siwa Allah. Donc la ilaha rejette, réfute et renie le droit à l'adoration pour l'ensemble des divinités adorées en dehors d'Allah. La ilaha, lorsque tu dis la ilaha, c'est comme si tu disais je rejette, je m'écroie, je renie le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. La deuxième partie, la partie affirmative, illallah, excepté Allah. Après avoir renié le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, tu affirmes que le seul à mériter entièrement l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cela doit être clair pour chacun d'entre eux. Tout le monde doit comprendre cette parole, vivre cette parole, agir en fonction de cette parole et prêcher à cette parole. Et veiller à mourir sur cette parole. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Donc, la ilaha illallah, laha ruknan, elle a deux piliers. Le premier pilier, la ilaha, c'est la partie négative. Le deuxième pilier, illallah, c'est la partie affirmative. La négation de quoi? Du droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. L'affirmation de quoi? Que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala nous explique dans d'autres ouvrages que cette parole la ilaha illallah affirme tout particulièrement quatre grandes choses et renie tout particulièrement quatre autres choses. Ou devrais-je plutôt commencer par la négation? La ilaha illallah tanfi arba'ata umur. La ilaha illallah rejette quatre choses. Al-arbab, al-andad, الطوارئ et الآلهة. Puis il a expliqué الأرباب, c'est جمع رب, ça veut dire seigneur. Donc la ilaha illallah rejette qu'il y ait des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. الرب ici, من أفتاك بخلاف الحق فأطعته. Qui aura été considéré par la créature comme étant son Seigneur. C'est celui qui t'aura donné des avis juridiques contraires à la vérité et que tu auras suivi. Ceux qui donnent des avis contraires à la vérité, des avis religieux contraires à la vérité, et ensuite toi tu les suis dans ce faux. Par exemple, ils rendent halal ce qu'Allah a rendu haram, et toi tu prends cette croyance et tu les suis dedans. Et vice versa, comme ça viendra dans l'explication. Inch'Allah. Ensuite, Al-Andad, c'est les égaux. La ilaha illallah rejette qu'Allah est des égaux. Al-Andad, ma sarafaka anil haq min ahlin wa awlad. Thumma sadalla al-mu'allif bi qawlillah wa minan nas ma yattakhidhu min dunillahi andada. Yuhibbunahum ka hubbillah. Donc, la ilaha illallah rejette les égaux. Certaines personnes sont tellement accrochés par exemple à leurs épouses, à leurs enfants, qu'ils les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah rejette une troisième chose, al-aliha, les divinités, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jalla. C'est-à-dire que lorsque tu dis la ilaha illallah, tu rejettes le droit à l'adoration à toutes ces fausses divinités. Tu dis qu'elles ne méritent pas d'être adorées. Elles sont adorées que vainement et injustement. Que ceux qui les ont adorés ont dépassé les limites. Al-ilah naqasattahu li jalbi naf'in aw daf'i dhur. La divinité, c'est ce vers quoi tu te diriges afin qu'elle te ramène un bien, au repos de toi, ama. At-tawarit man 'ubida wa huwa radin aw tarashaha lil 'ibad. At-tawarit, on a longuement expliqué cela, c'est tout ce qui adore en dehors d'Allah et qui agresse. Voici les quatre grandes choses que rejette la ilaha illallah. Puis l'auteur, rahimahullah, nous a aussi expliqué les quatre choses que la ilaha illallah affirme. Al-qasd, al-mahabba, al-khawf, wal-raja, wal-bara'a, min ash-shirk wa ahli. Donc, la pureté de l'intention. Le fait que tu ne recherches qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec tes actions. Kaunuka ma qasadta illa Allah azza wa jal. Wa ma ta'allaqa qalbuka illa bih. Donc tu ne vises que l'agrément d'Allah par tes actions et ton cœur ne se rattache qu'à lui tout entièrement. Ensuite, al-mahabbat wa ta'zim. La deuxième chose que la ilaha illallah affirme, c'est l'amour et la grande considération. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Donc l'amour, adoration, tu ne le voues que à Allah subhanahu. Le troisième point, la crainte et l'espoir. Et le quatrième point, le fait de te désavouer de toute forme de polythéisme et des polythéistes. وفي بيان لا إله إلا الله اهتم أهل العلم ببيان شروطها ومعنى شروط لا إله إلا الله الأمور التي لا تنفع العبد القائل بها إلا باجتماعها عنده ما يتحتم على المكلف أن يعلمها ويعمل بها حتى يكون موحداً ظاهراً وباطناً. Ce qu'on entend donc, ou avant cela, sachez que les savants, en expliquant la ilaha illallah, ont accordé la plus grande importance à ce qu'on appelle les conditions de la ilaha illallah. Ce sont les choses que tu dois réunir lorsque tu dis la ilaha illallah, afin que cette parole te soit utile. Afin que cette parole te soit utile. وبالتتبع والاستقراء هي سبعة شروط. Il y a sept conditions de la ilaha illallah. العلم اليقين الإخلاص الصدق المحبة القبول والانقياد. Cette parole a sept conditions. La première condition, c'est la science. Tu dois comprendre cette parole, la partie négative et la partie affirmative. Tu dois savoir que la ilaha illallah se compose de deux parties, la partie négative qui renie le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, et la partie affirmative qui affirme que le seul qui mérite l'adoration est Allah. La deuxième condition, c'est la certitude. Al-yaqin wa huwa kamal al-ilm al-mujib lil-amal kama qala al-allamah as-sa'di rahimahullah. La certitude, c'est la perfection de la science, de laquelle découle forcément la mise en pratique. Donc tu dois comprendre la ilaha illallah, avoir la science de la ilaha illallah au point où tu n'as plus aucun doute sur cette parole et que tu agisses en fonction de cette parole. La troisième condition, c'est la sincérité, al-ikhlas, que tu prononces cette parole sincèrement de ton cœur à la recherche de l'agrément d'Allah. Et que tu délaisses le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Et l'adoration de tout autre qu'Allah. Subhan. Ensuite, as-sidq, la véracité. Que cette parole que tu prononces avec talent soit en conformité avec la croyance qui habite ton cœur. Donc tu dis la ilaha illallah avec talent. Et c'est ce qui se trouve dans ton cœur. Et tu agis en fonction de cette parole. Contrairement aux hypocrites. Donc la science, c'est le contraire de l'ignorance. La certitude, c'est le contraire du doute. La sincérité, c'est le contraire du polythéisme. La véracité, c'est le contraire du mensonge. Ensuite, al-mahabba, l'amour. Tu dois aimer cette parole. Tu dois te réjouir que l'adoration soit le droit d'Allah et pas d'un autre que lui, subhan. Tu dois aimer les adeptes de cette parole. Ensuite, al-qaboul, l'acceptation. Tu dois accepter cette parole et ne pas t'enorgueillir devant cette parole, ne pas la rejeter. La dernière condition, la soumission. La soumission qui est le contraire de l'orgueil. Et le point précédent, c'est le contraire du délaissement. Donc tu dois agir en fonction de cette parole avec tes membres. علق البخاري رحمه الله تعالى إن قوما يقولون إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة مفتاح الجنة. Imam al-Bukhari a cité dans son recueil de hadith authentique une parole et la réponse de Wahb ibn Munabbih. Une personne a dit à Wahb ibn Munabbih rahimahullah, il y a des gens qui disent que la ilaha illallah est la clé du paradis. فقال إن لكل مفتاح أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. Donc on a dit à Wahb ibn Munabbih, certaines personnes disent que la ilaha illallah est la clé du paradis. C'est-à-dire que celui qui a la ilaha illallah rentre au paradis. Il a répondu, chaque clé a des dents. Si tu viens, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, avec une clé, avec ses dents, alors on t'ouvrira le paradis. Dans le cas contraire, on ne t'ouvrira pas le paradis. Tu n'entreras pas au paradis. Que veut dire ? Qu'entend-il par les dents ici ? C'est les conditions de la ilaha illallah. C'est agir avec la ilaha illallah. Donc cela a la plus grande importance. Rappelez-moi de vous dire, dans un prochain cours, certaines ou certains points subtils de la ilaha illallah que les savants ont cités. L'auteur a cité sous ce chapitre 4 versets et un hadith. Wa qawlullahi ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Allah subhanahu wa Allah le très haut dit, la traduction, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher, le plus de leur Seigneur. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Oulaika alladhina yad'una yabtaghun ay yatlubun ila rabbihim. Huna dhakara Allah subhanahu wa ta'ala ar-rububiyyah wa lam yaqul Allah li'annahu malik hajat an-nas ولأن الإثابة من أفراد الربوبية فناسب ذكر الربوبية إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة لغة هو الشيء الذي يوصلك إلى المقصود، وشرعا الطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وسميت بالوسيلة لأن الأعمال الصالحة توصلك إلى الله وإلى جنة الله تبارك وتعالى. Donc le sens dans le verset de Yabtaroun, c'est-à-dire qu'ils recherchent, ce qu'ils invoquent recherchent, donc demandent, recherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher davantage de leur Seigneur. Pour mieux comprendre ce verset, il nous faut connaître la cause de sa révélation. Ce verset concerne tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, alors que ces derniers eux-mêmes sont des adorateurs d'Allah subhanahu. كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان الناس من الجن أو كان الناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نودي. Il y a des gens parmi les humains qui ont adoré des gens parmi les djinns. Ces djinns-là se sont convertis à l'islam. Mais les humains ne l'ont pas su. Ils ont donc continué à les adorer. Donc les djinns, ils sont adorés en dehors d'Allah, ces derniers se sont convertis à l'islam. Et se concurrencent dans l'adoration d'Allah. Et cherchent à se rapprocher le plus de lui. Pendant ce temps-là, ces humains les adorent. Voici le sens du verset. Voici le sens du verset. Wa fi riwayah nazalat fi nafarin min al-arab kanu ya'buduna nafaran min al-jinn wa aslama al-jinniyun. والذين كانوا يعبدون هم لم يشعروا فنزلت الآية وقال ابن عباس ومجاهد هذه الآية نزلت في من عبد عزيرا وعيسى. D'autres parmi les savants on dit que ce verset a été révélé pour ceux, sur ceux qui adoraient Uzayl et Isa alayhi salam. قال ابن تيمية بعد أن ذكر التفاسير كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده من كان معبوده عابدا لله. Ibn Taymiyyah dit que toutes ces paroles sont bonnes, car ce verset englobe toute personne qui sera adorateur d'Allah alors que lui-même est un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي هؤلاء الذين يدعونه المشركون هم أنفسهم يطلبون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ولا يملكون كشف الضر ولا تحويله أي إزالة الضر ولا تحويله من مكان إلى مكان من شيء إلى شيء آخر وهم بين الخوف والرجاء فكيف تدعون من دون الله. Donc le sens de ce verset, de ce qu'il y a avant et après, est que ces gens, ces associateurs, adorent des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux-mêmes se concurrencent dans l'adoration d'Allah. Eux-mêmes ont peur d'Allah. Eux-mêmes espèrent ce qui se trouve auprès d'Allah. Ils ne possèdent ni la capacité d'enlever d'eux le mal, ni la capacité de le faire se déplacer vers un autre endroit. Ce sont donc des créatures faibles qui sont dans le besoin d'Allah. Comment est-ce que vous pouvez les adorer avec Allah? Voici le sens du verset. Al-wasila, kama zakarna, hiya al-qurba wal-amal as-salih. Al-wasila, c'est donc le fait de se rapprocher d'Allah et le fait de faire des actions pieuses. Car c'est cela qui rapproche le serviteur d'Allah. Khilafan lima qala al-mushrikun bi anna al-wasila an taj'ala baynaka wa bayna Allah wasa'it bi sarfi naw'in lahum min anwa' al-ibadah. Hadha kalamun batil bal huwa 'aynu shirk al-kuffar Quraysh. قال الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا أعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. Donc الوسيله n'est pas comme les associateurs ont expliqué en disant que c'est le fait de prendre des intermédiaires entre le serviteur et Allah dans l'adoration, comme le faisait Kuffar Quraysh. Au lieu de demander à Allah directement, au lieu d'invoquer Allah directement, ils demandaient aux idoles, ils demandaient à des morts, afin que ces derniers fassent parvenir leur demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est du polythéisme qui fait sortir la personne de l'islam. Et si elle meurt sur cette chose-là, sans s'être repentie, elle va en enfer éternellement. Wal'iyadu billah. Et c'est ce qu'on prétexte Kuffar Quraysh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Lorsqu'on a appelé Kuffar Quraysh au tawhid, à la ilaha illallah, ils ont dit, ces divinités qu'on adore, on ne les adore pas car elles ont la capacité de créer, de donner la vie, de donner la mort, ramener le bien, repousser le mal. Non. Mais on les adore que pour qu'elles nous rapprochent davantage d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Ce n'est pas ce verset que je voulais. ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. C'est quoi le début du verset? والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كذبهم الله كفار كفرهم لماذا؟ لأنهم اتخذوا وسائط بينهم وبين الله في العباد. Donc Allah nous dit, ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, en dehors d'Allah, disent, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette prétention en disant, Allah jugera entre eux dans ceux dans leur divergence. Certes, Allah ne guide pas le grand menteur, le grand méchant. Donc de prendre des intermédiaires dans le culte entre nous et Allah, en prétextant que cela nous rapproche davantage d'Allah, est un grand mensonge. Quant au jugement, c'est de la mécréance. Wallahu musta'an. Munasabatu al-ayati lil-bab hiya tufassiru at-tawhid min wajhayn. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre? Car ce verset explique le tawhid de deux points de vue. الوجه الأول دلت الآية على أن التوحيد إفراد الله بالعبادة لأن الله قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة وتقديم الجار والمجرور وحقهما التأخير يفيد الحصر والاختصاص أي يتوجهون إلى الله وحده لا شريك له لا إلى غيره هذا هو التوحيد توحيد القصد. Donc ce verset nous explique le tawhid et nous explique la ilaha illallah. Du fait qu'Allah nous dit il cherche le moyen de se rapprocher davantage d'Allah. La figure de style qui a été utilisée dans ce verset nous indique qu'il cherche le moyen de se rapprocher davantage exclusivement d'Allah, ou bien d'Allah exclusivement et pas d'un autre que lui. Et c'est cela être tawhid, le fait de se diriger exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala et pas vers un autre que lui. Donc ce verset nous explique la ilaha illallah et nous explique être tawhid. Le second point de vue par lequel être tawhid et la ilaha illallah nous est expliqué, هذه الآية تفسر التوحيد بضده. Ce verset nous explique le tawhid par son contraire. Ce verset nous explique le tawhid par son contraire. وهو الشرك. لأن الله قال قبل هذا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Donc ce passage nous explique le tawhid par son contraire. On nous explique ce qu'est al-shirk pour que nous, les musulmans, fassions le contraire. Allah nous dit avant cela, dit, invoquez ce que vous avez prétendu en dehors de lui. Il ne possède pas le moyen d'enlever de vous un mal, ni de le faire se déplacer. Donc Allah Azza wa Jal ici nous explique que ces gens sont des polythéistes du fait qu'ils ont invoqué autre qu'Allah. Donc on comprend quoi? On comprend que at-tawhid c'est le fait de se diriger exclusivement vers Allah et de l'unifier par le culte. De par le culte. فَمَنْ دَعَ غَيْرَ اللَّهِ مَعَهُ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ وَمَنْ دَعَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ. Donc le fait d'invoquer Allah uniquement d'un culte sincère, c'est at-tawhid. Le fait d'invoquer Allah et avec lui autre que lui, c'est du polythéisme. ما يستفاد من هذه الآية؟ قال المؤلف رحمه الله في المسائل في أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد. Parmi ce qu'on tire de ce verset, l'auteur nous dit la plus grande chose, le point le plus important, c'est l'explication du tawhid. Sa parole s'arrête. Donc il faut absolument deux parties, la négation et l'affirmation, pour que le tawhid se concrétise. في رد على من يدعو الأولياء والصالحين لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم وفضلا أن ينفعوا غيرهم. Donc dans ce verset, il y a une réfutation à toute personne adorant, invoquant autre qu'Allah parmi les morts, parmi les gens pieux, parmi les morts ou les prophètes et autres, car ces derniers ne possèdent pour eux aucun bien et ne peuvent pas repousser de des gens le mal. وفي الآية بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله عز وجل ورجائهم لرحمته. De ce verset, on tire également la grande crainte qu'avaient les prophètes et les gens pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala et le grand espoir qu'ils avaient dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien en Allah subhanahu wa ta'ala. Voici pour ce verset. Le second verset cité par l'auteur. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Allah dit, la traduction est lorsqu'Ibrahim dit à son père et son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a façonné, qui m'a créé. Bara, sifatul mushabba, aïdu bara'a, wa aslul bara'a, at-takhalli. Al-bara'a, idhan, al-bu'du wal-bughd, wal-qat'a. Fatarani, ay khalaqani. ولم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراده أو إشارة إلى علة إفراد الله بالعباد يعني ذكرهم بأن المستحق للعبادة هو الذي فطرنا وهو الله أيضا إشارة إلى بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تخلق ولم تفطر شيئا. Al-bara'a, c'est le fait de se désavouer, de s'éloigner, et l'inimitié. Fatarani, c'est-à-dire khalaqani, qui m'a créé. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père se nomme Aza, binasil Qur'an, et son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Pourquoi est-ce qu'Ibrahim a.s. n'a pas dit à l'exception d'Allah? Mais il a plutôt dit à l'exception de celui qui m'a créé. Il a donc cité la seigneurie d'Allah. Le fait qu'Allah soit le seul créateur. Cela pour deux sagesses. Pour montrer que la cause qui a fait qu'Ibrahim unifie Allah dans l'adoration, c'est le fait qu'Allah soit son seul créateur. Donc, le créateur est celui qui mérite d'être adoré. Deuxièmement, pour montrer que toutes les fausses divinités ne méritent pas d'être adorées. Car les divinités n'ont rien créé. Les divinités n'ont rien créé, elles ne méritent donc pas d'être adorées avec Allah. Al-ma'na al-ijmali, yukhbiru Allah subhanahu an qudwati al-muwahhidin wa rasulihi wa khalilihi عليه السلام بأنه تبرأ من كل ما يعبد أو من كل ما يعبد قومه ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle de son bien-aimé Ibrahim عليه السلام, l'exemple des monothéistes, et nous cite qu'il s'est désavoué du polythéisme et de tout ce qui adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le seul qu'il adore est Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est son créateur. Munasabatu al-ayati lil-ba, fi hadhihi al-ayati tafsiru al-tawhid. Li'annaha ishtamalat 'ala al-bara'ati min jami'i al-ma'budati غير الله. وفي الآية إثبات العبادة لله وحده. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre car il y a le sens de la ilaha illallah et son explication. Dans ce verset, Ibrahim s'est désavoué de l'adoration de tout autre qu'Allah, puis a affirmé que le seul qu'il adore, qui mérite donc d'être adoré, c'est le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le tawhid, se désavouer de toutes les fausses divinités et affirmer que le seul qui doit être adoré est Allah, c'est ça le tawhid, c'est cela que signifie la ilaha illallah. فالآية مطابقة تماما لكلمة التوحيد. Donc il faut absolument se désavouer du polythéisme et de toutes les fausses divinités pour avoir التوحيد. ما يستفاد من الآية معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. De ce verset on tire le sens de la ilaha illallah et l'explication de ces deux parties, la négation et l'affirmation. إظهار البراءة من دين المشركين. Le fait de montrer le désaveu du dogme des associateurs. Il reste deux versets et un hadith qu'on étudiera demain. Inch'Allah. تعالى وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا التوحيد وفقنا عمل بالتوحيد حتى نلقاك وأنت عنا راضي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك